aussi par gourmandise. Toi, mon joli péché mignon, tu as le goût des friandises que je volais, petit garçon. Tendre objet de ma convoitise, tu es comme un fruit défendu, et je cueille par gourmandise mille baisers sur ton corps nu. Je t'aime aussi par gourmandise, et je te dévore des yeux. Quelques paroles que tu dises coulent comme un vin merveilleux, que je déguste et qui me grise et me trouble d'âme et de corps. Je te prends par gourmandise, et puis j'en redemande encore. Je t'aime aussi par gourmandise, tu es mon restaurant chinois, tu es mon canard aux cerises, mon petit pain au chocolat. Par toi, mon appétit s'aiguise, je te dérobe et te savoure. Viens, viens contre moi, que je te dise, je t'aime aussi par gourmandise, mon amour.